France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est la panique en direct du Mangin Palace, épisode 161. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 3 mai 2009, 11h05. Bonjour à toi, l'ami. Avant tout ce matin, dans Panique au Mangin Palace, tu es très excité par le lancement officiel lundi dernier de cette folle campagne électorale qui s'annonce pour le scrutin européen. Service après-vente, bonjour. Oui, bonjour monsieur, j'appelle à propos des élections européennes. Ah, tout le monde s'en fout monsieur. Oui, bon bah, tu l'as bien compris l'ami, ce matin, tu redécouvres ici les absurdités du monde qui t'entoure. Ainsi, le Mangin Palace te propose durant 53 minutes d'organiser un beau barnum burlesque autour des actualités manipulées par le prince du monde. Alors communions ensemble, chers amis, au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du joda Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici donc la liturgie de notre joyeux panorama contre les assauts de la morosité. Eh bien, selon notre protocole, nous débuterons bien sûr par notre espiègle office laïque et freudien, durant lequel, ce matin, nous te proposerons une mélopée chic et disco-funk. Dans la foulée, nous t'offrirons un petit documentaire nosocomial sur le devenir de l'hôpital en France au moment même où la grippe porcine fout la trouille à tout le monde. Ensuite, nous descendrons furtivement dans les sous-sols obscurs et sinueux de l'INA, où nos joyeux fantômes radiophoniques ont vécu un 1er mai biscornu, une séquence aux frontières du réel que nous ausculterons ici avec délectation. Immédiatement après, direction Roboul-les-Bains, où nous te raconterons comment Monique et Jean-Claude, à l'occasion de la fête du travail justement, ont essayé d'organiser un étrange traquenard, le Mu Guet-apens. Et puis, comme d'habitude, nous enchaînerons par les tribulations de notre facétieux reporter avec une curieuse combine anti-récession, je cite, « un jean crise, s'il vous plaît ». Et enfin, peu avant midi, afin de ne rien oublier de ces absurdes actualités, notre petit kiosque sévèrement fourni t'ouvre ses portes pour une authentique mais curieuse revue de presse. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte vraiment le son et approche-toi du poste! Mesdames et messieurs, approchez. Non, vous ne rêvez pas. Open bar pour tout le monde. Installez-vous, messieurs, dames, appelez-moi le chat sauvage. J'ai la vibe venue prendre toute la salle en otage. J'ai l'art et la manière d'activer vos cordes vocales avec un flow plus fort que n'importe quel alcool local. J'ai plus de hype que la prochaine Viper. Mon style au mic fait plus de bruit qu'une armée de bikers. J'ai les nouveaux millésimes de l'inédit. Voici le plus ouf perdu tant comme le coup de boule de Zinedine. Je veux du bordel, de l'ambiance mortelle. En l'air, tous les fontaines, au fichal dans les cocktails. Passez me voir à nos gaz, j'ai la nouvelle cuvée, celle dont on accuse bien trop souvent les dommages. Approche, c'est open bar. On a le son qui te blesse, mieux vaut ne pas faire d'histoire. Pousse le volume à fond, viens faire péter les watts. Préparez-vous ce soir, je suis venu retourner la boîte. Approche, c'est open bar. On a le son qui te blesse, mieux vaut ne pas faire d'histoire. Pousse le volume à fond, viens faire péter les watts. Préparez-vous ce soir, je suis venu retourner la boîte. Voici de l'ambiance en vente libre, sauvage dans le style phénoménal, trop clean. En général, j'entre dans le club pour rendre ivre. J'élabore les grandes lignes, gros speed et cette nuit, j'aimerais que tout le monde en profite. Voici le boss, note-le sur ton bloc-note. J'ai de la phase en stock pour la power non-stop. Toujours au top, avec la grande classe, je me propage. J'ai eu les crocs bien avant les Cosmocats. Mets-toi bien, surtout ne pense à rien. J'ai ce qu'il faut pour te faire perdre tout Le port du casque est obligatoire, mais le bouc on ne fait qu'accroître. Et crois-moi, il est inutile de s'asseoir. Approche, c'est l'open bar. On a de son qui blesse, mieux vaut ne pas faire d'histoire. Pousse le volume à fond, viens faire péter les watts. Préparez-vous ce soir, je suis venu retourner la boîte. Approche, c'est l'open bar. On a de son qui blesse, mieux vaut ne pas faire d'histoire. Pousse le volume à fond, viens faire péter les watts. Préparez-vous ce soir, je suis venu retourner la boîte. On fout le boxon d'entrée, ouais, décale-toi si ça va trop vite. T'es trop rabat, alors guette le réel acrobate. On paie même sur de l'afrobeat. Voilà le prodige, je m'approprie la scène à l'heure où les MC vont voir la police. J'ai la vibe illégale, ne reste pas immobile. Certains coupent et décalent pendant que d'autres bougent comme des Playmobil. J'ai des tarifs de groupe, mec, un truc de ouf. Pour que tout le monde bouge et foute le sou, coûte que coûte. Je ne vous saoule pas, non, je vous enivre. Faites-moi confiance, vous vouliez de l'ambiance, je vous enivre. J'invite la foule à apprécier en salle ou au comptoir. Un bon foutoir, sky planqué dans la coudoir. Approche, c'est l'open bar. On a le son qui te blesse, mieux vaut ne pas faire d'histoire. Pousse le volume à fond, viens faire péter les watts. Préparez-vous ce soir, je suis venu retourner la boîte. Approche, c'est l'open bar. On a le son qui te blesse, mieux vaut ne pas faire d'histoire. Pousse le volume à fond, viens faire péter les watts. Préparez-vous ce soir, je suis venu retourner la boîte. Approche, c'est l'open bar. On a le son qui te blesse, mieux vaut ne pas faire d'histoire. Pousse le volume à fond, viens faire péter les watts. Préparez-vous ce soir, je suis venu retourner la boîte. Approche, c'est l'open bar. On a le son qui te blesse, mieux vaut ne pas faire d'histoire. Pousse le volume à fond, viens faire péter les watts. Préparez-vous ce soir, je suis venu retourner la boîte. Alcooliquement vôtre. Un savant cocktail qu'a concocté spécialement pour le Mangin Palace le DJ Zebra à base de John Barry et d'une bonne dose du rappeur Leroy. Tu mets un tiers de Curaçao. Fais attention, hein. Un tout petit tiers. Un tiers de citron, tu vois. Un bon tiers de piquant. Et alors, un grand tiers d'eau. Voilà. Ils ont fait 4 tiers. Hein. Et alors ? Voilà. Rien de tel qu'un petit cocktail, vautré confortablement, pour amorcer ensemble les modestes aventures laïques de ce 161e épisode du Mangin Palace. Et le mieux, c'est évidemment d'accompagner ce cocktail par notre traditionnelle mise en bouche, puisque les cloches nous annoncent à 11h12 qu'il est l'heure pour nous de débuter notre malicieuse liturgie et d'ouvrir notre petite session freudienne en compagnie de Monsieur Divan Beaujolais, le fiéfé sacripant de nos coursives, avec qui nous te proposons ce matin une mélopée chic et disco-funk qui nous conduit jusqu'au bout du monde hospitalier. Allez, en route maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. À la fin de la visite de Nicolas Sarkozy en Espagne, avec aujourd'hui de véritables déclarations d'amour entre les deux pays, le président français et José Luis Zapatero ont insisté sur l'harmonie quasi parfaite entre les deux pays. Pas question de laisser une petite phrase prononcée ou pas, maladroite ou mal interprétée. Je suis plus intelligent que toi. Abîmer la relation entre la France et l'Espagne. J'ai l'honneur et l'avantage d'annoncer la venue de notre sage et omnipotent leader. Zoltan. Est-ce que José Luis et moi, on s'explique? Pensez pas qu'on a une seconde à perdre là-dessus. On en a parlé? Non. Ça nous intéresse? Non. J'oublierai jamais ce qu'on a vécu. Un beau numéro de communication politique et diplomatique. Bon, après la parade, qu'est-ce qui s'est passé? Je salue Frédéric Pommier. Et je salue Nicolas Demorand, bonjour à tous. Eh, quoi de neuf, viens? Dis-nous tout ce que tu sais, tout de suite. Les chiffres du chômage, nouvelle hausse le mois dernier. Les chiffres, on les connaît depuis hier. Une hausse de 2,7%. 63 400 chômeurs de plus au mois de mars. Et allez donc, hein, on lésine plus. C'est l'abattoir. Pourtant, un peu partout dans les journaux ce matin, vous verrez cette grande page de publicité, 4 colonnes. Et puis le sigle République française a collé à cette jolie phrase. Un emploi, une formation, un revenu. Des mesures exceptionnelles sont prises pour les Français les plus touchés par la crise. Vous les trouverez sur le site internet du Premier ministre. Depuis un moment, je cherchais les raisons, le cheminement, puis tout d'un coup, flaouk, la lumière aveuglante, cruelle. Il s'agit donc d'une pub gouvernementale qui semble un frein cocasse compte tenu des chiffres que l'on a cités. N'exagérons rien, on devrait être content. Non, on devrait pas. Il est 8h20, l'invité de France Inter, et ce matin, la première secrétaire du Parti Socialiste. Bonjour Martine Aubry. Bonjour. Il n'y a pas que les syndicats qui seront unis dans les rues le 1er mai. Le Parti Socialiste va aussi défiler dans l'unité pour réclamer quoi ? Pour réclamer un changement de cap de la politique économique et sociale du gouvernement, nous devons être dans la rue. Il y a eu 1 million de personnes en janvier, 3 millions en mars. On doit foutre le camp d'ici. On doit commencer à se préparer tout de suite à l'évacuation. Nous espérons que ce 1er mai sera utile parce que sonore dans ses revendications, sonore par la masse des Français qui diront « ce n'est plus possible ». J'en ai assez ! C'était trop ? Ce n'est qu'un début ! Continuons le combat ! Des milliers de blouses blanches, comme on les appelle, médecins et personnels, appuyés par les grands professeurs, ont manifesté aujourd'hui à Paris, en province. Médecins, infirmières, ils avaient déserté leur service, unis derrière une banderole d'égalité d'accès aux soins. Il n'y a pas de justice. Et derrière un slogan contre l'hôpital entreprise. On est un service public, on soigne les gens et donc la santé a certes un coût, mais elle ne peut pas être comparée à une industrie ou à une banque. Je crois pas qu'on s'écarte un peu du sujet. Pas vraiment, mais il y a un passage difficile. Avec la réforme Bachelot, c'est la mort de l'hôpital pratiquement. Il est encore sous perfusion à Notre-Dame du pseudo-miracle. L'hôpital public est donc encore sous perfusion à Notre-Dame du pseudo-miracle. Car, comme nous l'avons tous constaté lors des mobilisations de ces derniers jours, la réforme Bachelot fait l'unanimité contre elle. Des aides-soignants aux chefs de service, en passant par les internes et les infirmières, la pilule a du mal à passer face à la casse de l'hôpital public. C'est nous, les dames et de la médecine. Que des larmes et de la misère en guise de prime. Plus crédible et pas d'estime. On soigne quand même, mais ça nous mine. Et le monde hospitalier est quelque peu miné face aux réformes gouvernementales qui font entrer la logique d'entreprise dans le monde de l'hôpital. Surtout que, nous le savons tous, face à la menace de la grippe A, la grippe mondialo-mexicano-porcine, ça fait peur, c'est un peu la panique pouls urgences. Attention ! Bon sang, son pouls est en train de baisser à vue d'œil ! Il n'y a pas une minute à perdre, c'est une question de vie ou de mort ! Vous inquiétez pas, monsieur, on est super compétents. On a été formés aux États-Unis d'Amérique. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On est en train de le perdre ! Oh merde, mais qu'est-ce qu'il a ? Il faut absolument appeler le professeur plus tard ! Mais il a déménagé la semaine dernière, j'ai paumé son numéro ! Regarde sous le Minitel ! Ok, d'accord, bien vu, je vais essayer tout de suite ! Oh putain, mais virez-moi ce chien ! Merde, mais comment ça marche ce truc ? Attendez, j'ai une idée. Je vais lui faire du morse avec ma lampe de poche pour voir s'il comprend. D'accord. SOS. Ah non, ça marche pas. Remarque, je suis con, c'est lui qui devrait faire SOS. Merde. Bon, c'est pas grave, on va l'opérer. Mais l'opérer de quoi ? On s'en fout. Rendez-vous. Vite, Corinne, allez me chercher un potage au distributeur. D'accord. Attendez, qu'est-ce qui se passe ? Il a écrit quelque chose sur son bras avec son sang. Oh mon Dieu, mais c'est quoi ? Au secours, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Au secours. C'est le cri de désespoir à l'hôpital face aux tentatives de réforme gouvernementale. Et au secours, c'est aussi ce qu'on dit à la cellule d'urgence du ministère de la Santé devant la pandémie de grippe qui nous guette. Mais bon, Madame la Ministre a bien potassé le dossier. C'est quoi les symptômes ? Parce que ça ressemble beaucoup à une grippe normale. Non, pas tout à fait. Les symptômes sont différents quand même. Hein. Si vous avez de la fièvre et des courbatures, c'est la grippe. Oui, ça, d'accord. Et si vous avez de la fièvre, des courbatures, et que vous commencez à chercher des truffes dans votre jardin, bah, c'est la grippe porcine. C'est n'importe quoi. Oh bon ? Oui, le problème, c'est qu'il n'y a aucune différence entre les deux grippes. Oh, il y en a une énorme hein, quand même. Hein. Si au bout de 15 jours, vous êtes toujours vivant, c'est que c'était une grippe normale. Oh, si vous êtes mort, c'est que c'était une grippe porcine. Pas très rassurante, Madame Bachelot. Vous pouvez pas donner au moins un conseil valable aux Français ? Si, ça je peux. Si jamais vous tombez malade, surtout, ne venez pas à l'hôpital. Pardon ? On est surchargé, on n'a pas assez de médecins. Et puis, si vous ne mourrez pas de la grippe porcine, ce sera d'une maladie nosocomiale ou d'une erreur médicale. Je savais que vous finiriez par donner un vrai bon conseil. Eh oui, l'hôpital est en crise, de sa ministre surtout. Mais bon, que tout le monde se rassure, au gouvernement, rien n'est laissé au hasard. On va finir par forcer les patients désespérés à faire des choix qui sont mauvais pour eux et bons pour nous, et on va compromettre la vie des gens. Non mais alors là, les bras m'en tombent. C'est si important pour vous, le sens de l'éthique ? Ce qui est étonnant, c'est que soudain, ça le soit moins pour vous. Il ne tuera pas seulement des patients. Il va tuer cet hôpital. La santé est un business, et je vais la gérer comme telle. Bon, c'est sûr, on peut espérer voir bientôt des hôpitaux cotés en bourse. Et il n'y aura plus qu'à attendre qu'une crise éclate, une canicule ou une grippe par exemple, pour compter les points. Ou ou plutôt les morts. Cependant, pour la pandémie de grippe qu'on nous annonce, rien à craindre. Roselyne Bachelot a tout prévu et ce sont des milliers de masques qui sont stockés un peu partout en France, au cas où. Franchement, j'espère qu'elle s'attend pas à ce qu'on se mette ces masques. Ah, c'est pas grave, on les met. Plus on entre dans le jeu, plus vite on est sorti de là. Bon, alors maintenant, tout le monde met son masque. On ne peut pas bien manger son dessert avec son visage de tous les jours à la vue de tout le monde, n'est-ce pas? Mettez votre masque, les morveux! Écoutez, elle laissera aucun d'entre nous toucher à son dessert tant que vous ne mettrez pas ces foutus machins! Oui, bon, d'accord, on les mettra, ces foutus machins. Et puis, c'est promis, on se lavera les mains un bon millier de fois par jour. Mais attention, hein, ces mesures d'hygiène ne sont pas sans signification. Pour un médecin, docteur Raymond Fourastet, vous êtes psychologue et psychanalyste. Qu'est-ce que cela signifie lorsque vous voyez ces gens se masquer, ces gens se défouler? D'abord, le problème du masque qui permet d'atteindre une autre identité et en même temps de s'identifier à un autre personnage peut être contenu dans le fond de l'homme lui-même et dans ce que l'on appelle parfois les archétypes, c'est-à-dire des éléments un petit peu archaïques et profonds qui sont les pulsions et toute la levée en même temps d'interdits qui vont se traduire dans l'agressivité que dans la joie. Derrière mon loup, je fais ce qui me plaît, me plaît. Aujourd'hui, tout est permis. Aujourd'hui, tout est permis. Dégâts, dégâts, dégâts, dégâts, dégâts, dégâts, dégâts, dégâts, dégâts, dégâts, dégâts, dégâts, dégâts, dégâts, dégâts, dégâts. C'est donc masqué et avec les mains propres que nous allons combattre la grippe. Voilà, il n'y a donc pas de quoi s'inquiéter, d'autant plus que parfois, la guérison vient par là où on ne l'attend pas. J'ai sauvé 6 malades cette semaine. Vous les avez opérés ? Non, j'ai pas pu venir. Et à l'inverse, dans le monde hospitalier, on voit venir le danger de mettre des valeurs capitalistiques au cœur de notre système de santé. D'autant plus qu'avec la crise économique du moment, on imagine nettement les désastres que peut engendrer ce système poussé à l'outrance. Alors, en conclusion, le monde hospitalier peut-il devenir une entreprise? Non, nous, on n'y croit pas. C'est sûr, aujourd'hui, le monde hospitalier a reçu un contre-coup médiatique. Il est 6h30. Joséphine, l'aide-soignante, prend son service à la clinique de l'hôpital Saint-André. Mais qu'est-ce qui a réellement changé? C'est-à-dire qu'ils ont décidé de créer un département clinique au sein même de l'hôpital afin de fournir de meilleures prestations quant aux soins médicaux. Et vous attendez quoi, là? Ah ben là, on attend le médecin-chef et les internes, à 9h précises. 10h13, le médecin-chef arrive pour la visite du matin. Mais écoutez, qu'est-ce que le patient attend aujourd'hui, n'est-ce pas? Il attend bien évidemment qu'on soit à l'écoute de ses problèmes, et surtout une meilleure prestation des soins, même à un prix un petit peu plus élevé. Je crois que pour la santé, on ne compte pas. Bon, il est certain que lorsque les patients viennent nous voir pour des maladies qu'on connaît ou qu'on soigne facilement, c'est moins intéressant pour nous. Nous préférons bien évidemment des maladies graves ou inconnues, mais on ne peut pas trop leur en vouloir. Il est 11h02, c'est la pause bien méritée de midi. Bon, bien, là, on va faire tout de suite... Non, parce que là, j'ai pas vraiment le temps. Si on a besoin de moi, de toute façon, j'ai un cours. Ah bon, ok. À la Sorbonne? Non, à Roland-Garros. Ah, d'accord. Bien, cet après-midi. Get around town, gentlemen, it's the body count down, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body count down, the body counts down. We need someone to go to jail for us, to go to jail for us. We need someone to go to jail for us, to go to jail for us. So get around town, gentlemen, it's the body count down, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body count down, the body counts down. Home. You won't come back, you go to jail for us, you go to jail for us. You won't go home, you won't come back, you go to jail for us, you go to jail for us. You get around town, gentlemen, it's the body's count down, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's count down, the body counts down. Such a drama, such a war, a TV jail for us, a TV jail for us. Such a drama, such a war. The TV Jane for us, the TV Jane for us to get around town. Gentlemen, it's the birdies countdown, the birdie counts down, get around town. Gentlemen, it's the birdies countdown, the birdie counts down. Police on the old place and camera lens. You go to jail for us, TV jail for us. Police on the old place and camera lens. You go to jail for us, TV jail for us. So get around town. Gentlemen, it's the birdies countdown, the birdie counts down. Get around town. Gentlemen, it's the birdies countdown, the birdie counts down. Get around town. Gentlemen, it's the birdies countdown, the birdie counts down. Get around town. Gentlemen, it's the birdies countdown, the birdie counts down. Get Around Town, c'est le désir farfelu que nous propose ce matin le groupe parisien Revolver. Et à ce propos, justement, encore une fois cette semaine, M. Sarkozy s'est fait flinguer par le présentateur du journal de 13h sur TF1. Oui, oui, c'était jeudi dernier, écoute bien la bonne parole. Tout à fait autre chose, une promesse tenue cette année encore par Nicolas Sarkozy qui était ce matin en Haute-Savoie sur le plateau des Glières au lieu de la Résistance. Tu me prends vraiment pour une truffe, toi. Alors maintenant, après avoir pris conscience des réformes inhospitalières en France, la panique au Mangin Palace ouvre sans plus attendre à 11h26... sa singulière séquence consacrée aux actualités du lointain. Avant tout, sache qu'avant-hier, ce fut le 120e anniversaire du 1er mai comme journée internationale de revendication des travailleurs. Et ce fut également la première fois depuis 60 ans que tous les syndicats défilaient ensemble sur le pavé pour exiger du gouvernement des mesures plus idoines face aux injustices de la récession. Eh bien, c'est dans ce contexte particulier que jeudi soir au crépuscule, un étrange farfadet a proposé à nos fantômes radiophoniques un curieux voyage dans la nuit du 1er mai. Alors, écoutons attentivement l'étonnant récit de notre Bernard l'Ermite planqué dans sa boîte d'archives au cœur des sous-sols obscurs et sinueux de l'INA. Tends bien l'oreille et découvre ainsi la vie parallèle de l'Institut National de l'audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'Ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, nous avons été transportés. Où ça ? L'histoire ne le dit pas. Mais laissez-moi vous raconter. Jeudi soir, au crépuscule, nous étions en train de répéter des slogans pour le 1er mai, quand une sorte de farfadet est apparue à nos côtés. Avancez, mesdames ! Avancez, mesdemoiselles ! Vous verrez dire le terrible vampire capitaliste en train de dévorer le sang des travailleurs. Vous verrez les terribles gorilles mangeurs d'hommes, leur matraque à la main. Avancez, mesdames et messieurs. Amusé par son bagou, nous l'avons suivi dans l'obscurité, sans savoir qu'au bout du chemin, un immonde démon nous attendait. Adolf Hitler, oui, monsieur Adolf Hitler monte à la tribune. Vous allez entendre le début de son discours où il proclame « Le 1er mai était tout d'abord la fête du printemps, puis le 1er mai était devenu le jour de la lutte, et maintenant c'est la fête du peuple. » Meine deutsche Volksgenossen und Genossinnen, zum Tag des Kampfes und Streites in unserem Volk, und so fand wir ihn 1933 noch vor. Nous étions épouvantés, incapables de bouger. Alors, pour briser le sort, Claude Métra nous a expliqué. La nuit de mai est une nuit de l'échange, où, si l'on en croit les poètes anciens, viennent à nous non seulement l'interminable cortège des morts connus ou inconnus, mais aussi les bêtes et les éléments. La croyance est que durant cette nuit, les fantômes ont le droit de revenir sur Terre. Ce sont ces fantômes que l'on a identifiés aux sorcières qui viendraient alors tracasser les pauvres humains. Mais on peut s'interroger sur ce que sont ces fantômes, sur ce qu'ils attendent des humains, sur ce qu'ils rêvent eux-mêmes de leur destin de fantômes. Libérés par ces incantations, les vrais esprits du 1er mai, soudain, se sont matérialisées. C'est le 1er mai 1906. C'est celui qui a fait peur à la bourgeoisie. Qui a fait peur à la bourgeoisie partout. Les gens qui ont eu peur ont fait des provisions qu'ils ont dû manger avec résignation pendant les mois qui ont suivi. Ça a fait très peur parce que c'était bien orchestré. Les syndiqués avaient déclaré et affiché sur la Bourse du Travail un immense calicot disant « À partir du 1er mai, nous ne travaillons plus que 8 heures par jour ». Remarquez que nous réclamions déjà internationalement la journée de 8 heures depuis 1886. Et on ne l'a obtenu qu'en 1919. Mais ce n'était qu'un début. Et, toute la nuit, le combat a continué. Et ce qu'il y a d'étonnant dans le 1er mai, c'est qu'on peut tantôt trouver une interprétation bénéfique et tantôt une interprétation maléfique. En effet, la nuit du 30 avril au 1er mai est traditionnellement la nuit des sorcières. Bonsoir à tous et vive la COGIP! L'énorme succès de nos montres calculettes a permis de multiplier notre chiffre d'affaires par 38,2. C'est pourquoi les trois quarts de nos effectifs seront licenciés avant Noël. Désolé. Coupé! Wow, génial! J'étais bien? Génial, super classe! Oh, vraiment extraordinaire! C'est vraiment vachement bien! Merci beaucoup, Flora Bernard, pour cette nouvelle exploration poético-burlesque au cœur de l'inattendu, qui nous rappelle ce matin l'impérieuse nécessité de protéger sans cesse l'esprit du 1er mai contre les assauts du force du mal. À ce propos, il est temps pour nous de retrouver nos deux acquis sociaux, car c'est l'heure de notre décrochage régional. Voici donc nos actualités locales, direction Grosboul-les-Bains. Monique est amnésique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h32, rejoignons dès à présent notre fantasque petit village fleuri où nous attendent nos deux valeureux héros de la guerre de récession. Monique, la fleur de mai, et Jean-Claude, à fleur de peau. Car vois-tu, face à la crise, et malgré ses nombreux efforts, Jean-Claude ne parvient toujours pas à trouver la solution pour se faire du pognon. Cela dit, jeudi en fin d'après-midi, à la veille de ce week-end prolongé du 1er mai, Jean-Claude, au volant de sa bagnole, écoutait paisiblement France Bleu Gros Boule quand il tomba sur la célèbre émission de radio coproduite par Philippe Colduit et Xavier Molin, où certains témoins racontaient comment ils avaient su rebondir financièrement alors qu'ils étaient au fond du trou. Je n'avais plus un sou. Ouais, et puis là, j'avais dans mon jardin, j'avais un peu de muguet qui poussait. Ah bon, et puis je me suis dit, tiens, je vais en vendre au 1er mai. Vous savez, bon, c'est la tradition. Oui, c'est, hein, oui, oui, la tradition du 1er mai. Voilà. Voilà. Alors, j'ai vendu mon muguet. D'accord. Et puis, Oui, voilà, oui, là, oui, après, oui. J'ai fait un peu de crocus, un peu de muguet. Un peu de personnage. Alors, l'hiver, oui, voilà. Selon les saisons. Voilà, et puis alors là, vous êtes à la tête quand même d'une saison. Je suis en train de racheter la Gerfeld. Vous avez racheté Vivendi déjà. Vivendi. Là, je finance une grosse expédition à Bornéo pour trouver du pétrole là-bas. C'est formidable parce que c'est une histoire exemplaire et qui est une leçon de courage, une leçon pour tout le monde. Merci, monsieur. Avec du muguet. Avec du muguet, tout bête, hein, c'est bête comme idée. Du muguet, tout dans le jardin, comme ça. Oui, mais seulement il faut avoir une idée, c'est sûr. Eureka ! S'était crié Jean-Claude dans sa bagnole, refourgué du muguet de main pour s'en coller plein les fouilles. Formidable ! À peine est-il rentré chez lui, bien sûr, qu'il fait part à Monique de son astucieuse idée. Mais, comment dire, Monique n'est pas persuadée de la pérennité de ce business autour du muguet. Le temps du muguet ne dure jamais. Plus longtemps que le mois de mai, quand tous ces bouquets déjà seront fanés, pour nous deux, rien n'aura changé. Aussi joli qu'avant, notre chanson d'amour chantera comme au premier jour. Oui, bon, rien à cirer du scepticisme de Monique, et à la nuit tombée, Jean-Claude décide aussitôt d'organiser une razzia dans les jardins voisins afin de chouraver tous les brins de muguet et se constituer ainsi un gros stock de la fleur de mai qu'il compte bien transformer en un bon paquet d'oseille. Résultat, vendredi matin, 1er mai, Jean-Claude se dirige vers la place de la mairie avec une carriole remplie de muguet. Quand soudain, un homme qui vient à sa rencontre lui offre une énorme botte de muguet supplémentaire. Jean-Claude est réellement perplexe car il ne comprend pas vraiment la raison de ce cadeau. Tout à coup, un inconnu vous offre des fleurs. Ça, c'est l'effet magique d'Impulse. Impulse, c'est à la fois un parfum très féminin et un déodorant fidèle. Impulse, le parfum de toilette déodorant. Quand vous le portez, tout peut arriver. Immédiatement, Jean-Claude se marre, le con. Il comprend qu'il s'est sans doute servi du déodorant de Monique ce matin. Mais bon, tant mieux, car il vient de récupérer une bonne dizaine de brins de muguet en plus. Et du coup, devant la salle polyvalente, Jean-Claude est très fier d'expliquer à Monsieur le maire d'où lui provient cette énorme quantité de muguet. Oui, c'est ma femme qui fait pousser ça dans le jardin. Elle a la main verte, votre épouse ? Bah, pas trop, parce qu'au début, elle voulait des choux-fleurs, puis elle a dû se gourer dans les graines, alors... ça pousse comme la chienlit, il y en a à chier partout dans le jardin. Vous savez, la vente du muguet, c'est très réglementé, hein. Vous avez demandé l'autorisation à Hervé ? Bah non, pourquoi ? Hein ? Jean-Claude ! Comme ça, à l'oreille, il semblerait que non, hein. Je vous laisse, hein. Qui est-ce qui t'autorise à vendre du muguet à ma place, Jean-Claude ? Ah, mais je ne prends la place de personne, mon Hervé. Si, Jean-Claude, tu prends la mienne. Le muguet, c'est mon domaine réservé. Le muguet du 1er mai, c'est un symbole pour nous. Et ça permet au syndicat de remplir ses caisses. Et grâce à l'argent récolté, nous envoyons nos enfants à la mer ou à la montagne. Et contribuons ainsi à rendre ce monde moins détestable. Eh ben moi, c'est mon assiette que je vais rendre moins détestable. Parce qu'avec ma femme, hein, avec la thune récoltée, on va se faire un bon petit gastos. Un couscous royal. Ou un plat de fruits de mer royal. Un truc royal, quoi, tu vois. Tu sais ce qu'ils font, mes camarades du syndicat du livre, quand on les fait chier? Tu le sais, ça? Tu parles des gros cons là qui m'empêchent de lire l'équipe un jour sur deux à cause de leur grève. Attends, quoi, tu insultes mes camarades intègres du syndicat? Oh oui. Ah ouais. Espèce de putain, mais arrête! Évidemment, très vite, devant l'individualisme forcené et sans gêne du Jean-Claude, les adhérents syndicalistes de Gros Boule le chassent à coups de pompe, non sans lui avoir confisqué son stock de muguet. Encore un bon plan complètement foiré. Du coup, moins d'une heure après son départ, voilà notre Jean-Claude de retour à la maison, bredouille, sans même un simple brin de muguet, ni pour Monique, ni pour les mômes. Mais bon, en ce 1er mai, Jean-Claude n'est tout de même pas rentré chez lui les mains vides. Je vous ai apporté des bonbons, parce que les fleurs, c'est périssable. Puis les bonbons, c'est tellement bon, bien que les fleurs soient plus présentables. Surtout quand elles sont en bouton, mais je vous ai apporté des bonbons. Monique est consternée par le grotesque de la situation. Primo, elle déteste les bonbons, et ensuite, elle adore qu'on lui offre du muguet le 1er mai. D'ailleurs, Monique fait remarquer à Jean-Claude avec une certaine nostalgie que malheureusement, les sympathiques traditions florales se perdent irrémédiablement. Hélas, qui comprend encore le langage des fleurs? Offrir des fleurs n'est plus qu'une politesse. C'était naguère une confidence. Oh, qu'il devait être doux l'étonnement de la jeune et timide vierge qui, pour la première fois, portait sa chaste main sur la sensitive, aussi pudique qu'elle. La lui offrir, n'était-ce pas lui faire, avec l'éloge gracieux de sa tendre vertu, l'aveu rougissant qu'on l'avait remarqué? Quelle délicatesse en cet aveu, comparée à la rudesse sans nuance des façons d'aujourd'hui, qui ne peuvent qu'effaroucher une demoiselle élevée dans les principes. Oui, bon ben ça va. Jean-Claude constate surtout que Monique ne prend pas conscience qu'avec le muguet, il avait un plan en or pour se faire de la maille, mais qu'une fois encore, il se retrouve au point mort. Et puis, de toute façon, cette année, le muguet... C'était compliqué, Monique. Et ils l'ont dit sur France Bleu Gros Boule. Enfin, vous vous en doutiez, les rigueurs de la température font que cette année, le muguet sera rare et cher. Rare pour ceux qui le cherchent et cher pour ceux qui l'achètent. Tant et si bien que demain, si l'élu de votre cœur vous fait un brin de cour en ne vous présentant qu'un seul brin de muguet, eh bien, ne vous vexez pas, la rareté de la chose, je parle du muguet, justifiera la beauté du geste. Certes, Sauf que l'humiliation fut complète pour Jean-Claude vendredi soir, lorsque Jean-François et Camille, invités pour le dîner à la maison, se sont pointés avec un sublime bouquet de muguet pour Monique, qui fut ravie. Pour finir, sache que ce dîner entre amis, là, pour le 1er mai, ce fut aussi l'occasion pour Jean-François et Camille d'exposer à Monique et Jean-Claude leur vision très progressiste, n'est-ce pas, du durcissement des mouvements sociaux qui se manifestent un peu partout en France face à la crise. Mais ce qu'il y a de très clair, c'est que le gouvernement a été pris au dépourvu, là, complètement. Qu'il fasse intervenir l'armée ? Pas si simple. C'est même miraculeux qu'il n'y ait pas eu de mort jusque maintenant. Il paraît qu'il y en a des morts, mais qu'ils cachent les corps la nuit. Le danger, c'est que le mouvement s'élargisse et que le vrai chaos s'installe. Alors là, mes enfants, what a mess. Mais tu crois que tout pourrait craquer, vraiment ? Penses-tu ? Il suffirait d'un peu de poing et tout serait fini depuis longtemps. Personne en France ne veut une révolution. Eh bien, vois-tu, Camille, les gens disaient la même chose en 89, juste un mois avant la Bastille. Bien, alors maintenant, toujours en direct avec toi, mais avant de danser la Carmagnole, et après avoir découvert une énième foirade du Jean-Claude dans ses pérégrinations anti-crise, il est temps dès à présent à 11h41 de retrouver notre petit reportage Made in Panic, consacré justement cette semaine à une authentique réussite économique en pleine récession. Écoutez bien Jean-Claude, cette fois ça peut marcher, même à gros boules. Oui, car figure-toi que notre facétieux reporter, M. Julien Dugast, a dégoté une agence spécialisée dans le marketing, Aldente, c'est le nom de la boîte, et qui est en train d'amasser un petit pactole, non sans un brin de cynisme et d'humour, sur le dos de la crise. Alors, quelle est la formule magique, bon sang ? Eh bien, il s'agit d'imprimer sur des t-shirts des slogans anti-crismine et qui se vendent ensuite comme des petits pains dans des boutiques de luxe. Ainsi, chers amis, juste après la virgule, découvrons l'activité lucrative de ces joyeux lurons pour qui la crise est une aubaine. Seigneur, tu as mis au monde beaucoup, beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite, petite fortune? Crise ou pas crise, c'est difficile d'être chef de l'État d'un grand pays comme la France. Si on va avoir une année 2009 mauvaise. Et puis on peut espérer que ça va repartir en 2010, même si personne ne sait exactement quand est-ce que ça va repartir. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment vous avez eu de la bonne idée à propos de la crise ? Ça a démarré, on était au mois de novembre, et clairement le téléphone commençait à être un peu grippé. On est une agence de conseil en stratégie de marque et de pub innovante, et on avait quand même beaucoup moins de coups de fil de clients. Donc on s'est dit que c'était la crise. Et à ce moment-là, au lieu de se tourner les doigts et de voir ce qui se passait et d'attendre ce qui se passe, on a commencé à se réunir. On s'est dit finalement comment est-ce qu'une boîte de com peut être un peu originale en cette période et se faire limite, voire d'une période de merde, essayer d'en faire quelque chose de plutôt positif. Monsieur Sylvestre, la crise financière s'est aggravée ce week-end. On parle de crack, de récession. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? On n'a rien compris. Tout s'est écroulé d'un coup. Ça courait dans tous les sens, la panique totale. Il y a même des gens qui se sont jetés par la fenêtre. C'est horrible. Ouais, bah bon là, on est encore sous le choc, mais on va bientôt réagir. Oui, vous allez assainir le système bancaire, le rendre plus transparent. Quoi ? Ben non, on va s'attaquer aux responsables. Et c'est qui les responsables ? Bah, c'est encore un peu tôt pour le dire, ça demande confirmation, mais on a déjà quelques éléments de réponse. On a une piste, quoi. Ah, et on peut savoir laquelle ? Ouais. On pense à l'Iran. On s'est dit finalement comment est-ce qu'une boîte de com peut être un peu originale en cette période et se faire limite, voire d'une période de merde, essayer d'en faire quelque chose de plutôt positif. Et du coup, on a commencé à créer des stickers qu'on a balancés dans notre entourage qui a fait hurler de rire les gens. Et du coup, on s'est dit, tiens, quand on commence à faire rire les gens à l'unanimité, c'est qu'il y a un truc bon derrière. Et là, on a commencé à faire une vraie collection de stickers et une collection de t-shirts qu'on a directement vendu chez Colette. Et on a créé après, on s'est dit finalement, nous on est bons, mais les autres aussi. Et on a créé ce site où tout le monde a commencé à se défouler et à personnifier la crise et raconter ses aventures sur Aldentelacrise.com. Qui m'aime me crise ? Un café avec 6 pailles, s'il vous plaît. Faites-moi sa sortie de la Colombie de la crise. Casse-toi, pauvre crise. La crise et moi, on est potes sur Facebook. La crise m'a volé mes pépitos. La crise, c'est Sarko avec une clic-plaque. On a eu, t'as vu la crise, qu'est-ce qu'elle a grossi. On a eu, t'as vu la crise, elle me doit des sous, elle a gagné alors 1 milliard. Enfin bon, bref, elle s'en prenait un petit peu plein la gueule comme ça. Après, on a eu des messages comme d'internautes typiquement. Il y en a le premier qu'on a pris d'internaute, c'était « Si la crise devient mondiale, je quitte le pays », que je trouve quand même très très mignon. Et puis on en a fait, voilà, on en a plus de 40 000 sur le site. Putain, la crise, elle m'a collé tous mes pépitos. Et le Nasdaq fait oh, et le Nasdaq fait pas. Aujourd'hui, en période de crise, tu spécules plus que sur les filles. Aujourd'hui, on a, je dirais, tous les mois, la moitié de notre chiffre d'affaires qui est faite avec l'aide de la crise. Et du coup, c'est la crise de rire, quoi. Du coup, c'est pas mal la crise de rire. Bon, cela dit, il faudrait que cette crise de rire soit partagée par le plus grand nombre, car c'est l'esprit du Mangin Palace, bien sûr. Et à ce propos, sache que tu peux toi aussi proposer tes slogans à cette agence de marketing, dont tu trouveras les références sur notre site internet, et figure-toi que tu peux empocher 2 € par t-shirt vendu avec ton slogan. Alors n'hésite pas, c'est peut-être la fortune au coin du bois. Il suffit de trouver le slogan qui fait mouche. Je ne sais pas moi, mais Jésus-Christ par exemple, ou encore CAC 40, escroc-crise, ou plus simplement un jean-crise, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'on est insensiblement en train de déraper ici. Au départ, il s'agissait d'amusements inoffensifs, je n'étais pas d'accord sur tout, mais enfin, je faisais avec. Alors que maintenant, on a changé de genre, manifestement. Tous les mots sont permis. Caramel, rebuffade, bégonia, gigot d'agneau, asphyxie, berger, samouraï, tant qu'on y est. Et j'en passe, et des pires. Et pourquoi pas poitrine maintenant? Eh ben allez-y, dites-le, dites poitrine si ça vous amuse. Vous êtes des gamins. Bonsoir. Merci, professeur Rollin. On a chanté la Parisienne, leur petit nez et leur chapeau. On a chanté les madrilènes qui vont aux arènes pour le torero. Prétend qu'elle est norvégienne, fille du Nord, on le sent chaud. Et bien que les américaines soient les souveraines du monde nouveau, on oublie tout dans le soleil de Mexico. On devient fou au son des rythmes tropicaux. Le seul désir qui vous entraîne dès qu'on a quitté le bateau, c'est de goûter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico. Au soleil qui chatouille, le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour. Mexico, Mexico, tes femmes sont arrêtées et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Aventure mexicaine sous le soleil de Mexico, ça dure à peine une semaine, mais quelle semaine et quel crescendo. Le premier soir on se promène, on danse un tendre boléro. Puis le deuxième c'est de chaîne, plus rien ne vous freine, on part au galop, on oublie tout. Le beau ciel de Mexico, on devient fou au son des rythmes tropicaux. Si vous avez un jour la veine de pouvoir prendre le bateau, allez goûter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico, sous ton soleil qui chatouille, le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour. Mexico, Mexico, Mexico, tes femmes sont arrêtées et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Mexico, Mexico, Mexico, Mexico. Mexico, c'est évidemment Luis Mariano qui rendait en 1951 un vibrant hommage à la ville de Mexico, parce que ces derniers jours, les Mexicains ont été injustement montrés du doigt, car associés à la grippe A, la grippe mexicaine, disait-on dans les médias, quand on ne parlait pas de grippe porcine, là encore, un qualificatif bien injuste. Je ne serais pas surpris qu'il se passe des choses très étonnantes avec le cours de la poitrine de porc à la bourse. Écoutez, je comprends pas. Le prix qu'on verse aux producteurs de porc diminue. Et le prix du jambon explose. Attends, il y a quand même un lien hein, entre le porc et le jambon, non? Enfin, ma connaissance, je suis pas un petit gars de la campagne, mais enfin quand même, c'est monté jusqu'à mon... Ben, peut-être pour une partie, mais enfin une partie quand même. Alors celui qui produit le porc, il est payé de moins en moins cher, et celui qui vend le jambon, il vend de plus en plus cher. Il n'y a pas un truc là-dedans? Ne t'en fais pas, ça ne te transformera pas en cochon. Mâche et avale. Alors maintenant, à 11h51, nous accueillons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit afin de compléter au mieux notre petit tour d'horizon déjanté de l'actualité. Ainsi, la panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Alors, comme tout palace qui se respecte, le Mangin Palace, bien sûr, dispose d'un petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Et, afin de ne rien oublier d'essentiel, Monsieur Mauduit, ici présent, s'est chargé pour nous de feuilleter la presse. Bonjour Mauduit. Salut Colin. Alors, que nous dit la presse cette semaine, camarade? Eh bien, la presse cette semaine a rappelé sans cesse qu'il est important d'être patient. Et comme le disait le vaillant instituteur lors de la leçon de morale, quand s'ouvrait la classe, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ainsi, The New York Post de mercredi dernier nous apprend que Teresa Tembenting, la bonne cinquantaine, a su faire preuve de la plus méritante patience ces 6 dernières années. Teresa, employée de bijouterie dans le Queens, à New York donc, a grappillé tous les jours quelques grammes d'or, comme ça, là, dans son sac à main, discrètement, quelques grammes d'or, pas plus. Bon, elle s'est fait gauler et la police a retrouvé dans son domicile pas moins de 227 kilos d'or. C'est énorme et... Pardon Philippe, excusez-moi. J'entends une remarque de Suzon, Suzon de Sisteron. Oui, parce qu'au Mangin Palace, on entend tout ce que vous dites à côté de votre transistor. Donc Suzon nous dit que si Teresa avait été plus maligne, elle se serait fait patron, elle aurait gardé l'or, elle aurait eu des stocks options et en plus un parachute doré. Suzon, cessez cette médisance. C'est incroyable. Insupportable. Ils arrêtent pas. Quand même. Alors une autre dame à l'honneur cette semaine, c'est Colleen Hawkinson. 62 ans, qui vient de se faire gauler pour avoir piqué dans la quête. Oui, c'est le Everett Herald, le canard local du comté de Sonnenmich, dans l'état de Washington, qui nous raconte cette histoire. Colleen est la bonne du curé, la bonne du pasteur de l'église méthodiste d'Arlington, où elle a dérobé 73 000 dollars. C'est beaucoup de sous. Alors, la police, évidemment, a interrogé Colleen pour connaître le nom de son complice. Elle a tout balancé. Ah ouais, c'est lâché, elle a dit son complice, c'est le diable. C'est Satan, voilà, c'est Satan. Bon, moi, je trouve que c'est un peu fastoche tout de même de rejeter la balle sur le diable. Oui. Bon, du reste, le tabloïd britannique The Sun nous apprenait le 24 avril dernier que Dan Magnès a fait preuve de beaucoup plus de patience justement avec une balle, puisqu'il a battu le record du monde de jonglage avec un ballon. 24 heures d'affilée sans qu'il ne touche le sol, en jonglant avec la tête, les cuisses et les pieds, bien sûr. Bon, ça se passait à Covent Garden et ce héros du jonglage est très fier de ses prouesses dans le football style libre, autrement dit, le freestyle football. Et, pardon, excusez-moi Philippe, un commentaire de Bertrand de Saint-Quentin dans l'Aisne qui vient de dire qu'en revanche, personne ne peut battre Rachida dans le record de freestyle politique. Bon, écoutez, Bertrand, un peu de tenue, s'il vous plaît. Il faut cesser ce harcèlement contre Madame Dati. Madame Dati s'occupe de ce qu'on lui donne à s'occuper, puis elle s'occupe de ce qu'on lui donne à s'occuper avec les personnes qui peuvent porter ses affaires à s'occuper. Ah, ah, ah. Donc, elle, en l'occurrence. Bon, écoutez, on peut reprocher beaucoup de choses au ministre de la Justice, mais il y a au moins une certitude maintenant. Rachida Dati est fidèle au sarkozisme jusque dans la sémantique. Même construction de phrase. Voilà. Alors d'ailleurs, justement, au passage, le magazine Point de vue de cette semaine titre sur Rachida Dati qui a choisi Nicolas Sarkozy pour parrain de sa fille. C'est pas vrai. Ouais, voilà, Sarkozy en parrain, ce sera parfait. Il le fera très bien. Voilà, Philippe, continuons notre tour d'horizon de la presse qui exalte cette semaine les vertus de la patience. Car aux États-Unis, le Philadelphia Inquirer nous apprend que Nick Andes, 29 ans, et son pote Doug Klinger, 30 ans, viennent de battre le record du monde du plus grand nombre de SMS envoyés. 217 000 textos en un mois. Ouais, les gars, vas-y. Bon, voilà, donc en pleine crise et en pleine grippe, c'est tout de même bon de savoir qu'il y a encore des gens sur cette terre qui ont des idéaux, oui, un but dans la vie, des choses essentielles. Une énergie folle. Ah, c'est incroyable. Alors, le San Francisco Chronicle de jeudi dernier nous donne un exemple intéressant de ce qui peut être justement essentiel en consacrant un article au Wacky Warning Label Contest, c'est-à-dire au concours des étiquettes d'avertissement farfelues. Alors, le grand gagnant de la QV 2009 est l'inventeur d'une lunette de toilette mobile, vous allez voir, c'est très pratique, qui se fixe à l'arrière des voitures pour rendre plus confortable la vie des automobilistes, quelque peu incontinent. Mm-hmm. Bon, l'objet déjà en lui-même est très intéressant, un progrès pour la science, mais ce fabuleux objet, fabriqué par une superbe société du Texas, a gagné le concours des étiquettes farfelues pour avoir indiqué sur sa notice à ne pas utiliser lorsque le véhicule est en mouvement. Bravo, très sage précaution. Le deuxième prix a été attribué à David Berganini du Minnesota, qui a eu la judicieuse idée d'indiquer sur le mode d'emploi d'un produit antivirus ne pas utiliser, si vous ne voyez pas assez clair pour lire les informations de ce manuel. Bon, c'était bien de le dire. Voilà, donc hein, vous savez, aux États-Unis, ils sont un peu tatillons sur toutes ces histoires-là, donc ils font vraiment très attention. L'année dernière ou une année passée, un des gagnants avait écrit pour vendre un tracteur sur le mode d'emploi « Danger, 2 points, éviter la mort ». Voilà, comme quoi toutes les étiquettes d'avertissement ne sont pas farfelues, en tout cas pas plus ou pas moins cette semaine que les avertissements des salariés à court de patience. Merci Monsieur Mauduit pour cette formidable revue de presse. À la semaine prochaine, cher ami, le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 161e épisode. Tout le monde est sans, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était les actualités, revues et corrigées par la bande de furieux du Mange un Palace. On se retrouve dès le week-end prochain, le samedi et le dimanche, à 11h sur France Inter, pour de nouvelles aventures archiloufoques et total foutraque, bien sûr. Panique au Mange un Palace est une émission coécrite, c'est les doigts dans la prise, avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Merci à toi, monsieur Xavier, aux platines, au montage et à la réalisation. Il y avait bien sûr ce matin le maestro H2M, Henri Marc Mutel. Merci beaucoup Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Cédric Talan et de Shérif Bitelmalji. Merci beaucoup à vous deux, c'était parfait. Pour toute la documentation et la préparation des clips sonores, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Beaugelet et Elsa Denac. Pour les scuds et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère pour toutes ces idées complémentaires, ainsi qu'au formidable documentaliste de Lina. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez une recette du crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve dès samedi à 11h pour le ministère psychique et dimanche prochain, toujours à 11h sur Inter, pour un nouvel épisode du Mange un Palace. Mais en attendant d'ici là, un seul mot d'ordre. Surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On dirait que c'est la fin. Attends un peu, c'est moi qui suis le chef. Je dirai quand ce sera la fin. Ils couinent encore, ces salauds-là. C'est la fin.